Il y a des brouillards. Ah ouais? Thank you. Là, ça enchaîne à quelle heure? Elle joue après à quelle heure? Bah après, il faudrait que ça enchaîne pour dans 20 minutes. J'ai appelé pour voir si ça s'est bien fait là. Mais c'est bien. Ouais. Ouais. Ouais, 30, ça avait changé. Ouais, mais ça a changé par rapport à avant. Maintenant, 30, c'est différent de nos parents. Quoi. Puis c'est différent de nos parents. Vous avez 30 ans, c'est déjà installé, tout ça. 40. Est-ce que vous avez. Oui, je sais pas la carte. Ok, bah, c'est 6 par contre. Ouais, d'accord. T'as pas de monnaie? Non, mais c'est 6. Vous n'avez pas 1 euro ? Non, j'ai pas 1 euro. Ah merde. Ah, non, non. Non, il n'y a pas de monnaie. Tu veux que j'aille prendre la monnaie ? Ouais, je veux bien. Ouais, j'ai 90 centimes. C'est pas ça. C'est pas ça. Merci. Tu m'as donné juste 5. Non, je t'ai donné 10 en plus. Ok, ouais. J'ai un doute. Bah super, okay, ouais. Merci. Tu devrais aller voir s'il y a de la monnaie, parce que c'est qu'il y a toujours là. C'était bien, c'est bien. Non, j'ai pas de problème. Moi, ce qui me fait flipper, c'est que j'aurais amené à avoir des enfants, en fait. Ah. Maintenant, quand t'es un homme encore, 40 ans, ça va. Quand même, quand t'es une femme, hein, mais... C'est juste qu'après, ouais, quoi, t'es présent dans le temps. C'est clair. Quand t'as 70 ans, ouais, t'es gamin, ils en ont... Ouais. C'est autre chose, quoi. Bah, carrément. Je vois mes parents, ils ont 25 ans. Ouais, c'est vraiment pareil, ouais. La compréhension de l'enfant, elle est différente. Mmh. Je vois les enfants qui ont des parents beaucoup plus âgés, justement, c'est trop bizarre, quoi. J'ai l'impression que leurs parents étaient leurs grands-parents. Voilà, ouais, c'est sûr. Après, ça dépend des gens, quoi. Ouais, ouais. C'est vrai que la phase des 40, 40, c'est chaud. Ouais. Mais nous, on est tellement jeunes dans notre tête. Ouais, c'est chaud. On ne dit jamais, on est à 37. C'est pas vrai. C'est clair. Ouais, non, non, c'est quand même un petit passage qui va être bizarre. Parce que la prochaine, c'est 50, et quand je vois 50, je vois ma mère. Je me dis, pourtant, je la rejoindrai jamais à l'époque, mais je me rappelle de plus. Des affiches du coup, salut, ça va? Salut, ouais, ça va. Des belles affiches? Normalement, attends, je vais voir. C'est une go qui est. Mais elles sont pas sérigraphiées, je crois. Quoi? Ouais, moi je l'ai vu d'ailleurs sur la photo de. Ouais. Ouais, mais il en reste un petit peu, je peux les prendre à la fin. Sinon, je peux les. Ouais, mais c'est. Ouais, tu les prends à la fin, ouais. Des clubs de préparation à la quarantaine, etc. Ouais, non, mais à la cool, c'est bien. Non, mais là, ça va, mais je pense qu'à 30 ans, je me dirais que c'est chelou. Vraiment. Ouais, le chiffre 40, le prochain, c'est 50. Non, mais ce qui est bizarre, pour moi, ce qui est le plus bizarre, c'est que je continue à aller à des concerts comme ça, alors, ouais. Alors que la moyenne d'âge, elle reste autour de 25 ans. Du coup, tu te sens de plus en plus décalé. Ouais, t'es là, mais qu'est-ce que je fous ici, en fait? Les gens, ouais, après, ouais. Tu sais, tant que ça reste spontané, tu sais, il n'y a pas de... Tu sais, alors que toi, c'est des mecs de 50 ans, ils ont envie de se sentir jeunes. Eux, ils y vont exprès en disant, ouais, j'ai envie de me sentir jeune. Tu crois? Ouais, bien sûr, c'est clair, même, hein. Tu sais, tous les gens ont délire la chirurgie, c'est juste pour se dire je suis jeune quoi, alors que ouais. Tu l'es pas quoi. Ça va on annule les frais, on va dire. Tu m'as ramené chez toi après. Et ça se passe bien le label? Ouais, ça vient. Ouais. T'attends bien? Ouais, ça va, ouais. C'est fatigant à force là, mais Et tu vends bien tout ça, c'est beau. Ouais, vraiment. En ce moment, cette année, on a fait plus de la cassette en petite quantité. Ouais. Parce que j'étais fatigué, le gilet avec le vinyle en plus, c'est compliqué en ce moment. Du coup, tu fais que du mail order direct, quoi. Bah non, j'ai pas mal de shop encore. Ah d'accord. Ouais, surtout même pour la cassette. Ouais, au Japon. Japon, Taïwan. Ah, c'est fou. Ouais. Ah, c'est fou, non. Non, ça va bien, mais c'est juste au bout d'un moment, tu sais, c'est... même au bout de 7 ans, c'est même si on a quand même des médias qui nous suivent, t'es toujours obligé de te battre, quoi. Ouais. Et c'est toujours, t'es toujours outsider, quoi qu'il arrive. Ouais, ouais, même ouais. Si t'as des gens, quand même, tu vois, qui sont cool et qui commencent à te suivre de plus en plus, et, ouais. Et qui, au bout d'un moment, t'as plus besoin de leur dire, tiens, écoute, ils écoutent d'eux-mêmes et tout, mais c'est, voilà, quoi. Au bout de 7 ans, ça commence à faire, quand même, l'air de rien, quoi. Carrément. Mais bon, c'est cool. Et là, à Paris, ça se présente bien ? Ouais, ouais, ouais, ça va être cool, je pense. T'as de la presse et tout ça un peu ? Pour l'événement ? Ouais. Ouais, j'en fais pas trop trop. Le mec qu'on fait jouer en Angleterre, il est un petit peu connu, on a déjà sorti un 45 tours. C'est la fin de l'espace B, donc les gens vont aussi venir parce que ça va être les derniers temps d'espace B. Ouais, ouais. Donc c'est cool quoi. Mais tu vois, même en ayant de la grosse presse, c'est pas ça qui te fait vraiment plus. Ouais, c'est vrai. Tu vois, là j'ai fait une interview dans les Arocs, pas si longtemps. Tu sais, ça t'amène des likes sur Facebook, mais c'est pas ce qui te fait vendre derrière. Ouais, ouais. C'est plus les gens qui te suivent, les gens qui écoutent sur SoundCloud. Ouais. Quand tu passes sur SoundCloud, automatiquement, tu vois, derrière, ça génère des ventes ou des choses comme ça. Ouais. Je sais pas qui c'est ça. C'est Hugo, je crois. Pourquoi ? Là, c'est un atelier ciseaux. Ouais, mais c'est Hugo, je crois. Tu arrives à la voir ? Non. La fille qui joue après là ? Ouais. Elle est pas arrivée ? Ah, ouais. Elle est pas arrivée. Non, en fait, elle a raté son train, donc elle est 2 heures de retard. Ah ouais. On te la mise en fait. Ah. Merci, au revoir. Bonne soirée. Ciao. J'aime bien ces groupes quand même. Jouer avec Yvek. Ouais, moi j'ai jamais joué. J'ai jamais. C'est bon, ils se sont récupérés. Ah, cool. T'as des nouvelles d'Armel, toi ? Ah ouais, j'en ai eu cette semaine. Ah, elle va bien ? Ouais, ça a l'air d'aller, elle a déménagé, apparemment, il n'y a pas longtemps. Elle fait toujours le même boulot, là ? Ouais, toujours le même boulot, là, le truc qui fait des applis pour ouais, les c'est festivals, ça, ouais. Ouais, toujours. Ça a l'air d'aller vers, de se plaire. Elle a un amoureux aussi ? Ouais. Ça se passe bien ? Ouais, ça va bien se passer, ouais. Estelle m'a rencontré quand t'es à Montréal. Ouais, non, ça a l'air cool. Ouais. Là, elle est passée cet été, mais... Ah ouais, moi j'ai plus aucune nouvelle depuis un an. Et, ah ouais, ouais. Moi j'ai, cet été elle est passée, mais je l'ai pas vue. En fait, ils sont partis avec son copain, ils sont allés dans les montagnes en bagnole. D'accord. Elle est ni passée par Lyon, ni par Paris, juste chez ses parents. D'accord, d'accord. Mais voilà. Sinon, ouais, c'est l'air de se faire avec. On va se faire, moi. C'est. On n'a pas trop fait ça, je crois. Il y en a qui ont été manqués. Hein. Ok. D'accord. Bon. Ok. Ça, je pense jamais à le faire. Avant que je l'ai vu, il a piqué 5 euros dans la caisse. Ça ? Quoi ? Ça ? Ouais. Ah, moi ? Pour ton lifting ? Ah non, j'ai pris plus, hein, quand même. Pour la lipo ? Ça ne suffit pas 5 euros. J'ai pris au moins 45. Quoi. Mmh. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, mec. Ah, mais ça enregistre tout ce que je dis depuis.